Fermez les yeux et imaginez. La nuit est tombée. C'est ici que vous dormirez ce soir. La tente est montée, les hamacs sont tendus. Le feu est allumé. Un autre visage de la forêt apparaît. Les habitants du jour sont allés se coucher quand ceux de la nuit s'éveillent. Chaque son est plus présent. Le vent au loin, le bruissement des feuilles, le ululement du hibou. Le feu crépite et autour de lui vos compagnons de ce soir. Amis de toujours ou rencontres éphémères, le bivouac est un lieu propice aux confidences et aux histoires. Peut-être que l'un d'eux est musicien et que ses notes résonnent au creux de la nuit. Laissez-vous bercer par la lumière des flammes et la respiration de la nature qui vous entoure. Écoutez les récits de voyage de ces gens. Profitez de l'instant présent, de ce moment si unique. Apprenez, inspirez-vous et surtout partagez. Et bienvenue dans Feu de camp. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter Christian nous raconter comment il a traversé l'Atlantique à la voile, il y a 40 ans de ça, avec deux compagnons. Cela représente plus de 6000 km au milieu de l'océan, sans aucune possibilité d'être secouru en cas de problème. Merci à lui de venir partager ce défi avec nous, ainsi que les quelques extraits des vidéos en Super 8 prises à bord à l'époque. Je lui laisse la parole. Bonne écoute à vous. Je m'appelle Christian, j'ai 68 ans. Toute ma vie donc professionnelle, c'était dans l'informatique, sur les gros systèmes IBM. Et j'étais passionné par mon travail. J'allais au boulot en sifflotant. J'ai fait beaucoup de sport étant jeune. Maintenant, j'en fais beaucoup moins. Mais... par feignantise. Mais sinon, je suis passionné partout. Hein. J'adore la musique. Hein. J'adore surtout le classique. Mais bon, aussi les musiques modernes. Hein. J'adore la lecture, j'adore toutes ces choses-là. Et j'avais la passion de la voile que mon père m'a inculquée. Je suis issu d'un milieu ouvrier, hein, mais mon père était curieux de tout. Et il était très attiré par l'eau. Au départ, il voulait acheter un petit kayak. Après, il voulait acheter... Alors, c'était le début de la voile, hein, quand j'étais adolescent. Et après, il voulait acheter un kayak à voile. Et puis, du coup, on a acheté un petit dériveur qui s'appelait le Vaurien, très connu hein, à l'époque. Tout le monde est passé par ce bateau. On a appris la voile sur ce dériveur. On était en camping avec mon père à Begmey, c'est en face les Glénans. Hein. Et ben, on a été au Glénan avec ce petit bateau, alors que c'était plus ou moins interdit, quoi. C'était pas vraiment sécure de faire ça. On avait déjà l'envie de traverser quelque chose. On avait une école de voile à Viry-Châtillon, sur des sablières. Il y avait des bateaux au mouillage, c'était des bateaux de 5,50 m, qui s'appelaient des corsaires, qui avaient une cabine, deux couchettes, et ça nous faisait rêver. On rêvait devant ça, et on se dit « Ah, si on avait ça, on pourrait naviguer ». Et petit à petit, mon père a réussi à en avoir un, et puis on a navigué, on a commencé à faire des croisières, même des grosses conneries, parce qu'on aurait pu avoir des accidents, mais bon, c'est la passion, ça nous mène des fois un peu trop loin. De fil en aiguille, après on a acheté un 8 mètres, un 9 mètres, et là actuellement j'ai 11 mètres. Voilà. Mais on va s'arrêter à 11 mètres, parce que ça, c'est pas... Alors là j'ai une anecdote intéressante, un jour on s'était fait taper avec le petit corsaire, là, le petit, qui avait une petite cabine en Méditerranée. On était dans les marines de Cogolin, c'était en construction, et il y avait un gros yacht à côté. Et le mec est venu, parce qu'on s'était vraiment fait cogner, il nous a aidés et tout, et le mec nous a dit, vous savez, là, l'esprit marin n'est pas fonction de la taille du bateau. Le mec, il avait un 30 mètres, hein, un truc. Alors là, ça nous a... chapeau, quoi. Après ce corsaire, on a eu un 8 mètres. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a traversé la Manche. Tu vois, il y a une progression. Et après la Manche, bah, il ne restait plus que l'Atlantique. Et après l'Atlantique, c'était le tour du monde. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Il y a 40 ans, on était une bande de copains à Fécamp et on naviguait pas mal. On pensait tous à faire une transat à Fécamp. Tu vois, on traversait la Manche, tout ça. On avait des exemples et il y avait des jeunes qui traversaient sur des 6,50 m. des petits bateaux vraiment tout petits, quoi. Il faut le déclencheur. Et le déclencheur, ça a été le copain, le propriétaire du bateau. Suite à un convoyage d'un bateau entre Marseille et Fécamp, le propriétaire s'est dit, ben, pourquoi on ne traverserait pas l'Atlantique? Et moi, j'ai tout de suite dit oui. Techniquement, on était bien avec le copain. Le troisième larron, il fallait qu'il n'ait pas le mal de mer, parce qu'à l'époque, on vomissait quand même pas mal. Le troisième larron, c'était un copain un peu plus âgé et qui tenait la distance à l'intérieur du bateau, parce que c'est très vomitif au début. Donc, on l'a choisi pour ça. Alors, un projet comme ça demande du temps. On a travaillé pendant un an. Chacun avait un cahier, on se réunissait tous les 15 jours, 3 semaines, et on résolvait les questions qu'on avait écrites sur le cahier. Tout s'est mis en place, on a eu des contacts avec des gens qui avaient déjà traversé, qui nous ont conseillé. C'était un bateau de 10 mètres, c'était un Chance 32 pour les connaisseurs. Il était en état, hein. C'était pas le bateau idéal parce qu'il était assez petit. L'Atlantique, pratiquement, on fait tout avec le vent dans le cul, hein. Et ça, c'était un bateau qui se baladait pas mal aux allures portantes. On l'avait ramené de Marseille, donc on savait comment il fonctionnait. On n'avait pas de soucis de voile, de choses comme ça, quoi. On a juste vérifié le houbanage, etc., pour être sûr que bon, ça allait tenir. Qu'est-ce qu'on doit emmener? Comment le faire? Alors, le pain, à l'époque, maintenant ça a changé, ils ont des trucs lyophilisés, etc. Mais à l'époque, donc on a fait des bocaux. Ma maman a fait des bocaux stérilisés. Le pain, eh bien, on a fait recuire du pain pour qu'il se conserve au moins une quinzaine de jours, voire 3 semaines. On avait pas mal de conserves, alors il faut savoir qu'il faut enlever le papier de la boîte. Parce qu'avec l'humidité, le papier se barre et on ne sait plus ce qu'il y a dedans. Donc on les avait notés au feutre. On était des bons vivants, donc on a emmené ce qu'il fallait. On avait l'apéro tous les jours, pratiquement. Tous les soirs, hein, pas le midi, hein, mais tous les soirs, on se faisait au coucher du soleil, là, on se faisait systématiquement un petit apéro. Un petit truc, un pastis, point barre, pas méchant, hein, pas très alcoolisé. On s'est posé la question avant de partir, combien d'eau emmène-t-on? On a rempli les soutes, on avait rajouté une soute, et on avait rempli chaque flotte, et puis voilà. On avait mis des pastilles dedans pour pas choper des cochonneries. On avait un savon qui nous permettait de nous laver à l'eau de mer. Les toilettes étaient supprimées. Pour les initiés, on balconnait. On allait à l'avant du bateau. Il y a un balcon, c'est une tubulure en inox, et puis voilà. On pensait à l'époque qu'avec accès direct à la mer, ça risquait de poser des problèmes. Donc on les avait fermés. Sur le sujet, on va dire médical, c'est-à-dire la trousse de secours, etc. Alors à l'époque, moi j'avais un ami docteur qui nous a fait une belle trousse de premier secours. Le copain Toubib nous avait formés déjà à faire les piqûres dans les fesses. Bon, c'est pas très compliqué. Il nous avait formés à recoudre une plaie. Faut savoir qu'il faut acheter du cochon en fin de compte, parce que la peau humaine ressemble à la peau du cochon, et puis on s'entraîne là-dessus, mais c'est assez facile. Et puis une plaie, ça se recoud à vif, hein, c'est pas la peine d'insensibiliser. Et on faisait très gaffe au soleil, parce que ça, il nous avait prévenu, hein, parce que sous les tropiques, ça cogne, et on n'a pas l'habitude. Donc ces chapeaux. Moi j'ai une peau de roue, donc j'avais pantalon et manches longues sur les bras. Durant la traversée, on n'a pas eu de soucis, hein. Mais à bord, on avait quand même des antibios, des choses comme ça. Les gens étaient opérés de l'appendicite, sauf moi, j'avais pris le risque de ne pas me faire opérer, ce qui, je pense, est une connerie. Parce que sur 3 semaines de nav, si on a une appendicite, on y laisse la peau, quoi. On a essayé, comme on s'est préparé quand même pendant une année pratiquement, on avait essayé d'envisager tous les problèmes donc techniques de navigation, problèmes moteurs, problèmes sanitaires, etc. Et là, on s'était dit, s'il y a un décès, ben, de toute façon, le corps sous ces latitudes, on ne peut pas le garder, donc c'était à la bail. Mais on avait envisagé le décès de. Oui. La hantise, en fin de compte, en bateau, c'est de me prendre un container qui est à moitié dans l'eau, là, et de faire un trou dans la coque. C'est ça la grosse hantise, parce que on estimait qu'il y avait moins de risques de traverser l'Atlantique que de faire Paris-Marseille en bagnole, à l'époque, hein, il y a 40 ans. C'était notre estimation, et je pense qu'elle est juste. On a des cas, hein, de gens qui ont abandonné le bateau en pleine tempête pour se mettre dans le bateau de survie. Ils sont morts et le bateau a survécu à la tempête. De toute façon, comme disait un ancien marin, et quand on est dans les alizés, c'est les alizés, c'est les vents qui poussent vers les Antilles. Bon, au pire, on perd le mât, mais le vent va nous pousser, à un moment, on va toucher terre. Hein. C'est soit les Antilles, soit l'Amérique du Nord, on va trouver une terre. Donc, ça, c'est une règle de base. Hein. Tant qu'on a le bateau tient, on reste sur le bateau. S'il coule, là, effectivement, on envisage de... On avait un radeau de sauvetage. C'est de la survie, hein, le radeau de sauvetage. Il y a des expériences, là, il faut regarder sur Internet, il y a des choses assez étonnantes. Hein. Des gens qui attendaient que l'autre meure pour le bouffer, des choses comme ça, il faut... faut fouiller. Hein. Mais y a... Ah oui, là, l'humain, c'est la survie. Hein. Donc l'humain, là, il devient plus bête que... Quand tu as l'expérience de la mer ou de la montagne, c'est pareil, hein. T'as pas peur, hein. tu fais face. Hein. Je sais pas si c'est un don, mais plusieurs fois, je l'ai expérimenté. Dès que je regarde la mer, je sens des choses arriver. Et là, en plein Atlantique, un jour, on était là, on préparait l'apéro. Toi. Je me lève, qu'est-ce qu'on voit arriver? C'était un pétrolier qui était à quoi 500 mètres, donc c'était pas loin, 500 mètres. Hein. Mais ça va, ça passait, mais c'était Rikirak, tu vois, mais je l'ai vu. C'était en Suède, c'est pareil, je ramenais un bateau avec son proprio, et à un moment, j'ai regardé devant, il y avait un caillou à 200 mètres, quoi. On l'a évité, et j'ai dit « Ouh !» Donc j'ai un peu ce don, je ne sais pas si c'est véritablement un don, mais j'ai évité pas mal de conneries comme ça. Bah, le jour du départ, on a eu cette chance, c'est qu'on est parti de Fécamp, et les copains nous ont accompagnés jusqu'à l'île de Wight. Et de Wight, après, ils nous ont lâchés, et nous, on est parti sur Madère. Et après Madère, on a été en Guadeloupe, voilà. Et c'était sympa, quoi. C'est vrai que c'est l'excitation d'un départ, mais une fois qu'on est en mer, dans la bagarre, bon, on s'est fait taper quand même au départ, hein. On s'est fait allumer en manche, bien. Le copain, lui, il était propriétaire, donc c'est lui qui était décisionnaire sur les actions à suivre en fonction du temps, etc. Et l'autre copain n'était pas trop doué, donc il faisait surtout la bouffe, tout ça. À bord d'un bateau, c'est important de bien manger. J'étais le navigateur. Alors c'est moi qui faisais le sextant et la météo à bord, hein, et puis les manœuvres. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de météo, donc il a fallu apprendre le morse, uniquement les chiffres, hein, pour pouvoir faire des cartes météo sur l'Atlantique. On a appris le sextant. Je n'avais pas beaucoup d'expérience de sextant, je m'étais amusé à Fécamp à faire des droites de hauteur. Bon, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais je n'avais jamais réalisé une vraie nave au sextant. La première vraie nave, ça a été l'île de Wight, Madère. Madère, sur une carte, c'est un petit point. On a mis une petite semaine pour aller à Madère. On a navigué au sextant et on est arrivé à Madère. Donc là, ça nous a confirmé qu'on pouvait traverser sans problème. Quand on navigue au sextant, il faut un chrono à la seconde près. Et c'était le début des montres à quartz. Alors on avait un temps nickel chrome. C'est vraiment régalé. Moi, je me suis régalé, quoi. Intellectuellement, tu arrives, tu vois un point sur une carte avec un sextant, ça te permet de relever un astre au-dessus de l'horizon, d'accord. Une montre et des tables américaines, c'est des tables, hein, il y a plein de chiffres partout, et bah, tu arrives à piquer sur Madère, et tu arrives sur Madère, ça c'est... Ah, moi, ça m'avait beaucoup, beaucoup plu, ça. C'était une jouissance intellectuelle. T'as vu, quand t'es au sommet de la houle, tu n'as pas la même hauteur du soleil au-dessus de l'horizon. On voit mal. Ça va pas être clair. Oh, j'ai pas eu trop de problèmes. Tu vois pas bien l'horizon? Si, on voit pas du tout. Avec les polaroïdes? Si les recettes de Stern-Vérin sont pas bonnes, alors merde. C'est clair. La vie à bord d'un petit bateau comme ça, c'est ce qu'on appelle l'écart. Hein. Donc on a à l'extérieur qui surveille, parce qu'en Manche, il y a beaucoup de cargo. Dans l'Atlantique, c'est plus calme, plus beaucoup de rencontres. Mais il y avait toujours quelqu'un en supervision, si tu veux. Et on essayait de barrer un maximum de temps pour bien faire marcher le bateau. On avait quand même un pilote automatique à l'époque, mais un aérien. C'était un Atoms à l'époque, je me rappelle. Et c'est un pilote qui ne consomme pas d'énergie, parce que ça, là, on avait un gros problème, c'est qu'on n'avait pas un jeu de batterie assez conséquent pour avoir un pilote électrique. Je te voyais venir. Dis donc, les gars, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Hein. Le pilote électrique, quick, il est mort. Le super Bébert. Il n'y a plus qu'Hyper Bébert à la barre. Les alizés pendant 22 jours à la barre à négocier la houle. Allez, du courage. Je sais pas ce qu'il a. Il est pas tout à fait mort, mais il déconne. Il se met à faire des tic-tic-tic, un peu comme le Chipping Woodstock, là, tu sais. Je crois que c'est contagieux, l'oiseau à Marcel, on va le foutre à la poubelle. Si les éoliennes commençaient à apparaître, il n'y avait pas de panneaux solaires. On avait emmené du fioul, il y avait un moteur diesel à bord. Tous les jours, il y avait une heure de diesel pour recharger la batterie. On mettait un seul feu la nuit, en tête de mât, pour se faire voir. Et puis, il fallait un peu d'énergie pour capter les émissions météo avec une BLU. Donc, une heure, ça suffisait, on tenait le choc. Nous, on s'était dit, la traversée, en fin de compte, c'est un truc technique. Et en fin de compte, c'est pas du tout technique, c'est assez simple. Hein. Si c'est bien préparé, c'est assez simple. Aujourd'hui, c'est encore plus simple avec les GPS, etc., les pilotes automatiques et tout ce qui vont bien, hein, les adoucisseurs d'eau, il n'y a plus de problème maintenant pour traverser l'Atlantique. Bon, maintenant, les bateaux vont plus vite, et puis on a tout sur ordinateur, on a des météos fiables, on peut jouer avec la météo, on peut avoir un routeur à terre. Ils sont en communication tous les jours, ils ont des moyens technologiques extraordinaires, hein, qu'on n'avait pas à l'époque. Pour traverser confortablement, il faut 12 mètres, quoi, et... On a de l'eau, on prend des douches tout le temps, parce qu'on a un dessal en général, les salinisateurs, on a un groupe électrogène, on n'a pas de problème d'électricité, on a des connexions via les satellites. Donc, c'est le plus dur, d'ailleurs, Alain Colas l'avait dit, ça, quand il avait fait un tour du monde, il avait souffert de la communication. Et un jour, il a pu réussir à communiquer avec ses proches, si tu veux, ça lui a fait beaucoup de bien psychologiquement. Maintenant, il n'y a plus de soucis avec ça, quoi. Ça a complètement changé, c'est plus tranquille maintenant. Ouais, on partait un peu pour l'aventure. La prouesse est toujours là, parce que bon, faut y aller de l'autre côté, je pense. Hein. C'est quand même... Il y a la prouesse humaine. Hein. Vivre en vase clos à 3, 4 ou 5 personnes, c'est pas du tout évident. Et c'est le côté intéressant de l'affaire. Humain, parce qu'on était dans un petit bateau de 10 mètres par... je sais pas, il faisait 3 mètres de large, je sais plus exactement. T'as 3 bonhommes là-dedans. Bah, faut avoir un petit peu de tolérance. Moi, j'ai toujours dit, hein, la mer, si tu veux voir un mec, tu l'emmènes en mer et tu vois ce qu'il vaut. Enfin, tu vois le bonhomme. Donc, ça fout les bonhommes à poil. Et là, il y en a deux, il y a le proprio et puis l'autre équipier qui sont un peu... bon, pas fâchés, mais bon, ils n'étaient pas tout à fait d'accord, quoi. C'est fréquent, hein. Dans les équipages de course, ils se donnent tous à fond, mais à l'arrivée, des fois, ils se cassent la gueule, hein. Il y a des exemples classiques, hein. Tabarly et Kersauzon se sont mis sur la gueule. Hein. Tu dois vivre, par exemple, dans une petite pièce à trois pendant 3 semaines, parce que Madère ou Guadeloupe, on a mis 3 semaines. Il fallait aller jusqu'au bout, si tu veux. La problématique était là. Donc ça met un peu de tension chez les bipèdes, quoi. Et puis voilà. À la fin, ils se parlaient pratiquement plus. Moi, je faisais le facteur entre les deux, quoi. C'était pas terrible. Alors qu'on avait tout pour être... Parce que c'est magnifique, quand même. Hein. Et surtout, on avait une chance, c'est que tous les trois, on adorait la musique classique. On avait monté une bonne chaîne sur le bateau. On avait des bons disques, hein, Mozart, Bach et compagnie. Et écouter du Bach au milieu de l'Atlantique, ça a de la gueule, quoi, c'est ça. Souvent, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'on fout pendant 3 semaines? Maintenant, ça va plus vite, hein, c'est pas 3 semaines, c'est plus rapide. Eh ben, non, on se rapproche, moi je pense, on se rapproche de la méditation, quoi. Regarder la mer, regarder le ciel, ou les étoiles. Moi, j'étais en extase dès qu'on a atteint le tropique. Là, on avait alors, comment elle s'appelait? Ah oui, le scorpion. Voilà, je me rappelle. La nuit, il y avait le scorpion qui se dessinait. C'est extraordinaire, quoi. C'est un ensemble d'étoiles fabuleux, quoi. Puis on a vu la Croix du Sud, tu vois, l'équivalent de la polaire, donc on a vu des choses comme ça. Donc c'est excitant pour des gens curieux. Et en plus, le copain, le propriétaire, lui, il était du CNRS, et il étudiait tout ça, donc il nous a appris plein de choses, quoi. En mer, on s'ennuie pas, faut être sensible à tout ça. Si t'es passionné d'ordinateur, d'iPhone ou de conneries comme ça, c'est sûr que bon. C'est autre chose, hein. C'est la nature, c'est à l'état pur. Au milieu de l'Atlantique, là, tu vois, t'as des couchers de soleil extraordinaires. On avait une musique fabuleuse. C'était le rêve, quoi. Mais enfin, on a été secoués quand même. Il y a eu beaucoup de mauvais temps, mais bon, ça poussait bien. Il y avait des gros vents, mais bon, c'est pas bon. Bon, pour éviter ça, on affale toutes les voiles et puis on met des bouts derrière pour freiner le bateau. Donc on l'a fait une ou deux fois, ce truc-là. C'était la technique. On s'enferme, on attend que ça passe. Ouais. Il n'y a rien à faire. Hein. Comme tout bon marin, il y a une main pour le bateau, une main pour l'homme. Hein. C'est très important. Il faut pas passer par-dessus bord. Parce que quand on a vraiment du mauvais temps, on récupère pas le mec, hein, faut être clair. Quand il y a des grosses vagues, le type, ça c'est connu, hein, on le perd de vue très rapidement. Hein, moi j'ai vécu une seule fois un homme à la mer et on était nombreux, ça a été long, hein, et c'est pas facile. Donc quand on n'est que trois comme ça, avec un petit bateau, tu récupères pas le gars. D'ailleurs, ce que je vais dire là maintenant, j'enfonce des portes ouvertes, mais à l'époque, dans la marine à voile, quand quelqu'un tombait à l'eau, on n'envoyait pas de bouée de sauvetage pour qu'il meure plus vite. C'est triste à dire, dur à dire, mais c'est comme ça. C'était comme ça. Comme le vent nous pousse, le danger, c'est de faire ce qu'on appelle sancir, c'est-à-dire le bateau prend de la vitesse, l'étrave se plante dans la vague devant, et la vague derrière pousse le cul et on fait un salto. On a eu peur à un moment, parce que tous les matins je prenais la météo, c'était Norfolk qui émettait la météo en morse, je me rappelle. Ça marchait par cinq chiffres, et on arrivait avec un document à faire une carte météo de l'Atlantique. Et il y a un truc, il y a cinq chiffres qu'il fallait pas qu'ils arrivent, ça voulait dire avis de cyclone. C'est marrant, ça remonte. Et ces fameux cinq chiffres, on les a eus. Donc là. Là, on a eu peur, là. On s'est dit, putain, parce qu'il fallait pas. On était limite, on est parti en mai, et c'est le début des cyclones en mai, tu vois. Il fallait pas qu'on ait ce truc-là. Heureusement, ça s'est transformé en tempête tropicale, mais bon, il était un peu éloigné, donc on s'est fait tabasser, mais c'était pas un cyclone. Heureusement, parce qu'à mon avis, on allait au fond, quoi. C'est la nature qui décide, nous, on est vraiment. Moi, j'ai toujours dit que la mer nous apprenait l'humilité parce qu'on fait pas ce qu'on veut et c'est elle qui décide. Des fois on passe, des fois on passe pas. Bah, faut savoir, comme on dit, baisser casquette. Hein. D'ailleurs, j'ai un ami montagnard. Quand on discute, on emploie les mêmes termes. Moi, je parle de la mer, lui, il parle de la montagne. On emploie les mêmes termes. Et le désert, c'est pareil, je pense. Je connais pas le désert. Mais c'est à peu près pareil, ça c'est extraordinaire, quoi. Mon montagnard, là, il me dit faut mériter sa montagne. Moi, je dirais pas qu'il faut mériter la mer, mais ça, j'en suis pas loin, quoi. Faut être clair, hein. Ceux qui vont dire le contraire, ils ont jamais navigué, mais des fois, tu te dis, putain, je serais mieux dans mon fauteuil à regarder la télé qu'à être sur le cul de ce bateau et à me faire secouer les puces, quoi. Parce que c'est un checker, des fois, hein. Faut faire un effort pour atteindre des moments magiques. Quand nous sommes arrivés sur la Guadeloupe, on a eu un orage. Ce qu'on a vu, moi je me rappelle parce que j'étais de quart, j'ai vu la terre, mais surtout j'ai vu une barque avec un pêcheur, donc c'était un noir si tu veux, mais il était magnifique, tu vois. Il était bronzé, c'était d'une beauté, parce que c'était le premier humain qu'on voyait depuis, enfin à part les trois qui vivaient en vase clos, c'était le premier humain qu'on voyait depuis 3 semaines, quoi. Ah oui, ça, tu vois, ça m'est resté. Au bout de 40 ans, je me rappelle encore. Et puis on est arrivé, il y avait du mauvais temps et tout. Bon, c'était pas. Mais bon, c'est pas grave. Après, on était très heureux quand même, quoi. On est content, hein. On est content d'être arrivé. On est content d'avoir. Parce que c'était un challenge quand même, hein. Bon, ouais, on était très heureux. Bon. Sauf que le pote, celui qui faisait la bouffe, ça a été un peu triste pour moi. Tout de suite, il a pris un billet de retour. Il n'a même pas bouffé avec nous le soir pour fêter ça, quoi, fêter l'arrivée et tout. Il s'est barré, il a pris l'avion, c'est la vie. Hein. Mais bon, on a fait une bonne fête avec le propriétaire. Moi, je suis resté ami avec les deux copains. Je le vois souvent, d'ailleurs, le propriétaire, là. C'est une expérience humaine, ouais, donc c'est enrichissant de toute façon. Hein. J'avais que 5 semaines de vacances parce que je bossais à l'époque. J'ai rapidement pris l'avion et j'ai pas profité des Antilles, quoi. Oui, le retour a été facile parce que j'étais passionné par mon boulot. Donc je retournais dans quelque chose qui me plaisait. Donc non, j'ai pas eu de, y a pas eu un contraste terrible. La suite de cette balade, c'était les copains de Fécamp allaient là-bas se servir du bateau et de naviguer dans les îles. Ça s'est fait en partie. Il y a deux ou trois copains de Fécamp qui sont partis là-bas. Il y a eu un cyclone. Le bateau a supporté le cyclone. Et après, on s'est fait piquer le bateau pour passer de la drogue. Et on l'a pas retrouvé. Sinon, on devait le ramener à Fécamp, faire le retour inverse. Mais bon, le bateau étant perdu, ben voilà. Bah après, c'était le tour du monde, mais là, c'est autre chose. Là, il fallait un bateau plus grand. Bon, c'est plus pareil. Mais ça se fait, mais après, c'est des problèmes de sous. Hein. Ça coûte quand même tout ça. Hein. J'ai pas envie de refaire l'Atlantique. Non, maintenant, c'est de la croisière cool donc en Méditerranée, quand le vent le permet, parce que ce putain de vent à la con. C'est-à-dire dans des endroits magnifiques, hein, quand on va aux îles du Levant, en Corse, en Sardaigne, c'est quand même des. C'est le paradis, hein, faut pas. Le voyage, qu'il soit en bateau, à pied, à cheval, n'importe comment, si on est curieux, on s'enrichit forcément, hein, au contact des autres qui n'ont pas forcément. Enfin là, bon, on avait tous la même culture, mais le voyage en général, quand on se balade, on se frotte à des cultures différentes, et ça c'est enrichissant, ouais, c'est bien. De toute façon, on dit toujours le voyage forme la jeunesse. Moi, j'y crois absolument à ça. Hein. Puis se frotter aux autres, c'est intéressant, c'est enrichissant. Donc oui, tu sais, moi je crois plus à faire enfin du bien entre guillemets dans sa petite sphère, c'est-à-dire la famille, les amis, les voisins, développer déjà tout ça. Ça n'empêche pas d'aller voir ailleurs, hein, mais il faut déjà se bouger au niveau famille, amis et local, quoi. Si tout le monde fait ça, et si les sphères se rencontrent, là on fait bouger des choses. Moi je crois à ça, ouais. Merci à Christian d'avoir pris le temps de partager son voyage avec nous. À l'heure où Internet est accessible dans de plus en plus d'endroits au monde, auriez-vous été capable de partir à l'aventure avec les mêmes moyens technologiques et l'impossibilité de communiquer avec le reste du monde? Avant de partir, il m'a laissé quelques recommandations culturelles pour vous qui l'ont particulièrement marqué. Elles sont à glisser dans votre sac pour un futur voyage ou à apprécier chez vous, en toute sérénité. Tout d'abord, le film Amadeus de Milos Forman, sorti en 1984, qui raconte les destins croisés d'Antonio Salieri, un grand compositeur italien, et de Wolfgang Amadeus Mozart, qu'on ne présente évidemment pas. Vous pourrez ensuite écouter la messe en si de Bach en vous imaginant sur le pont d'un voilier au milieu de l'océan, suivi du Requiem de Mozart et pourquoi pas de la 7e symphonie de Beethoven. Il vous recommande également la lecture de Jiddu Krishnamurti, un philosophe indien qui réfutait les principes de l'éducation et de la pédagogie traditionnelle pour revendiquer plus de liberté, plus d'écoute et de confiance en soi-même. Il est l'auteur de plusieurs livres tels que « Se libérer du connu » ou « Commentaires sur la vie » et bien d'autres. Encore merci à Christian et à bientôt pour un nouvel épisode de Feu de camp.